même cabriole. Nous marmottions tous deux tout à coup par les cheveux, la saisie quand elle passe. Voyez mon embarras, je nageais dans sa bras quand Germaine m'embrasse. Plus je fais le plomb long, plus elle se cramponne, et moi dans son jupon, dans son jupon, voilà que je m'en jupone. Sans vouloir la lâcher de rocher en rocher, je suis le flot qui me soulève. Quand fort heureusement, mais très brutalement, le flot nous jette sur la grève. Alors quoi qu'éreinter, vite, vite, je la délance. Heureux à ma place, sans se soulever, que dire davantage, bref, la vie à mon courage, oui, Germaine enfin devait la vie à mon courage. Yeah.